Chapitre 21e, Sir Rupert fait sa cour. Dans cette lutte entre l'intelligence et la ruse, la dernière l'avait emportée sur l'autre. Après cette révélation faite de nuit par M. Salamons, Sir Rupert Lessell prit les rênes du gouvernement de sa maison et s'en rendit entièrement maître. Le jeune homme ne s'adressait plus à son ami le major pour avoir des conseils. Ce gentleman avait évidemment perdu son pouvoir sur son élève. Dans l'esprit étroit de Sir Rupert Lessell, celui qui s'était une fois mis en opposition avec lui apparaissait dans la suite toujours comme un ennemi. Il évita autant que possible le major et passa la moitié de son temps à aller de Littlewood Park au bocage et du bocage à Littlewood Park. Olivia Marmaduke n'avait rien changé à ses manières avec lui. Elle le recevait avec la même indifférence qu'elle avait montrée le jour de sa première visite. Elle riait de sa gaucherie, se moquait de ses discours stupides et tournait en ridicule ses tentatives de compliments. Mais elle le séduisait chaque jour de plus en plus. Il semblait qu'il y eût dans sa nature quelque chose de lâche, qui le faisait plus aimer et plus admirer la jeune femme à mesure qu'elle le méprisait davantage. Il la suivait comme un chien. Il lui apportait presque chaque jour quelques splendides bijoux. Il voulait faire rendre à Mrs. Walsingham les diamants de Littlewood qui étaient déposés chez le banquier de la famille. Mais Claribel refusa de les rendre avant le mariage de son fils. « Il sera temps, alors, Rupert, dit-elle. Il peut survenir quelque chose qui rompe le mariage. » « Rien ne rompra ce mariage si ce n'est la mort !» s'écria le baronnet avec impatience. Une fois seulement, il essaya d'adresser à Olivia Marmaduke des reproches sur sa conduite avec lui. « Vous me traitez comme un chien, lui dit-il. Vous riez de moi. Vous me tournez en ridicule. Sur ma parole, Olivia, je ne vous crois pas la plus petite étincelle d'amour pour moi. » Il avait dîné au bocage, et il se tenait debout auprès d'Olivia assise au piano, tandis que ses sœurs et le colonel faisaient cercle autour du feu. « Vraiment, » dit-elle avec indifférence, en faisant tourner sur son bras un bracelet de diamant que lui avait donné Sir Rupert. « Peut-être feriez-vous bien de le croire toujours. Vous souvenez-vous comme nous étions peu romanesques il y a 15 jours, quand vous vous êtes proposé à moi ? Voulez-vous être Lady Lissole et... « Oui, Sir Rupert, je veux bien. Voilà tout. Je ne suis pas naturellement très sentimental, je vous assure. Le ciel sait que vous ne l'êtes pas. » répondit Sir Rupert Lessell, et il me semble, sur ma foi, que si je n'étais pas Sir Rupert Lessell et le maître des biens de Littlewood, j'aurais une bien pauvre chance de vous épouser, Miss Livia. Je le pense aussi, Sir Rupert. Je vous prie, n'abordons jamais ce sujet. Le ciel me garde de vous tromper. Oui, vous avez parfaitement raison, je vous épouse pour votre titre, et je vous épouse pour votre fortune. Et si vous n'aviez pas tout ça, je ne vous épouserais pas. Je suis assez franche, n'est-ce pas ? « Maintenant, si la pure vérité vous déplaît, serrons-nous la main et disons-nous adieu. Je ne demande pas mieux, je vous assure. » Elle tendit la main sur laquelle brillaient les diamants qu'il lui avait donnés. Le feu des pierres se refléta dans ses yeux sans doute, car elle dit en riant, « Il va sans dire que si nous nous séparons, je vous renverrai tous vos présents. Ainsi, ne soyez pas retenu par l'argent que vous avez dépensé pour moi. Je dépenserai pour vous jusqu'au dernier centime de ce que je possède. » dit-il avec amour, il est bien dur de voir que vous ne m'aimez pas, quand je vous aime tant. Mais que vous m'épousiez pour moi-même, ou que vous m'épousiez pour ma fortune, je vous veux, car je ne puis vivre sans vous. Plus tard, dans la soirée, pendant qu'Olivia et Sir Rupert étaient assis à une petite table de tric-trac, l'aînée des filles du colonel Marmaduke vint au salon où ils se trouvaient. Le colonel était endormi dans un fauteuil près de la cheminée. Lucy et Jane, la seconde et la troisième sœur, quittèrent leur crochet des yeux. « Vous êtes-vous bien amusée, Laura ?» demanda Jane. « Oh, pas énormément. Nous avons eu une soirée assez triste. Mais à propos, il faut que je vous apprenne une nouvelle que je tiens du recteur. » Et en parlant, elle regardait avec malice sa sœur Olivia. « Oh, Laura, si vous avez quelques nouvelles, dites-nous vite ce que c'est !» dit la jeune fille en réprimant un bâillement et finissant le jeu. « Sœur Rupert, je vous ai gagné 5 parties. » « Maintenant, Laura, » dit-elle en se levant, « voyons ce que vous avez à nous dire. » Elle était admirablement belle à voir à la lueur des bougies et des flammes du foyer. Son cou et ses bras resplendissaient des bijoux donnés par le baronnet. Sa beauté, sa fierté, sa splendeur remplissaient d'envie et de haine le cœur de sa sœur aînée, et elle était déterminée à enfoncer le poignard jusqu'au fond de ce cœur altier. Au bruit des voix de ses filles, le colonel s'éveilla et regarda autour de lui. Ses yeux s'arrêtèrent avec affection sur son enfant chéri. « Papa, vous vous souvenez de Walter Remorden, le dernier vicaire de M. Millward ?» dit Laura. « Si je me souviens de lui, oui, sans doute. Il a quitté ce pays il y a 3 ans et obtenu une cure aux environs de Chichester. Walter Remarden était le meilleur ami que les pauvres de Lesselwood eussent jamais eu. C'était un bien digne garçon et un de mes grands amis. Je serais bien aise de le revoir. » Laura Bay piéça sur Cadette pendant que le colonel disait ces mots. Une sombre expression s'était emparée du visage d'Olivia. « Eh bien, papa, » continua Miss Marmaduke, « ce pauvre Walter Remarden a été obligé d'abandonner sa charge à cause de sa santé trop délicate. » « À ce que dit Mrs. Millward. Il est né à Lesselwood, vous savez, et il paraît qu'il a pensé que l'air natal lui ferait du bien, de sorte que Mrs. Millward a eu la bonté de l'inviter à descendre au presbytère. » « Quoi ? » s'écria le colonel. « Walter Remarden est-il donc à la cure ?»« Oui, il n'est arrivé qu'hier. Il est bien changé à ce qu'on dit. Mais j'ai peur d'ennuyer ce rapport en parlant d'un vicaire invalide. »« Quelle félicitation, Olivia ! Chacun parle de la future Lady Lessel et me félicite du brillant avenir de ma sœur. » Olivia n'avait ni bougé ni parlé depuis que le nom de Walter Remarden avait été prononcé. Mais après les dernières paroles de Laura, elle partit d'un rire nerveux et étrange et sortit du salon. Le colonel se leva de son fauteuil. « Livia » s'écria-t-il en la suivant dans le vestibule. « Qu'est-il, ma fille chérie? Qu'est-il arrivé ?»« Je sais ce que c'est, » dit Sir Rupert. « C'est le nom de cet homme qui l'a bouleversé. J'ai vu un changement subit sur son visage quand vous l'avez prononcé, » dit-il en se tournant du côté de Miss Marmaduke. « Mais qu'il prenne garde, car quel qu'il soit, je le tuerai s'il tente de se mettre entre elle et moi. » Le colonel et Olivia en rentrèrent quelques minutes après. Le vieillard conduisait sa fille, un de ses bras passé autour de sa taille, et il n'avait pas de larmes dans ses yeux, mais un éclat fiévreux. Son amant n'essaya pas de lui parler, mais l'examina en silence pendant un quart d'heure environ, puis il se leva pour partir. « Bonsoir, Olivia, » dit-il après avoir pris congé de toutes les autres personnes. « Vous m'avez dit assez clairement ce soir que vous ne m'aimez pas, et vous m'avez dit autre chose encore aussi clairement. Je vous suis bien obligé. » Elle le regarda avec une expression de suprême mépris. « Rappelez-vous que je vous ai donné le choix ce soir, » dit-elle. « Je serai prête à vous le donner demain. Bonsoir. » Le lendemain, de grand matin, Sir Rupert se rendit au bocage et demanda une entrevue secrète à sa fiancée. Il était venu pour la supplier de fixer le jour de leur mariage à 3 semaines de là. Il lui fut très facile d'obtenir son consentement à ses désirs. « Que ce soit quand vous voudrez, Sir Rupert, » avait-elle dit, « si vous désirez encore que le mariage ait lieu. »« Olivia !» s'écria-t-il, « si je le désire ?» Vous pouvez en avoir assez vu et assez appris pour changer vos sentiments à mon égard. S'il en est ainsi, parlez-moi aussi franchement que je vous ai parlé. Mais souvenez-vous que si le résultat de notre union est heureux ou malheureux, vous ne pourrez vous en prendre à moi. » Quand le jeune baronnet eut répété sa déclaration, que rien ne pouvait le détourner de ses intentions, Olivia consentit immédiatement à fixer le jour qu'il désirait pour leur mariage. Une tante, riche et vieille fille, lui avait envoyé une couple de 100 livres pour son trousseau en apprenant que sa nièce allait faire un si brillant mariage. La maison devint bruyante par les allées et venues des modistes et des couturières. Olivia s'enfermait dans sa chambre et ce n'était qu'après bien des difficultés qu'on parvenait à lui faire regarder et essayer ses robes. « Comme vous me fatiguez avec ces soieries et ces satins !» disait-elle avec impatience. « Vous savez que je n'ai jamais tenu à toutes ces belles choses et j'y tiens encore moins aujourd'hui. Pour l'amour de Dieu, Laura, qu'on me laisse tranquille, je ne veux plus en entendre parler. » « Sur ma parole, Olivia, la future Lady Lessel a un charmant caractère. Je plains ce report. Plaignez-le, Laura, » dit Olivia en fixant ses yeux noirs sur le visage de sa sœur. « Plaignez-le de tout votre cœur, le pauvre garçon, car il en a besoin. »